partez et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduit là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et toi, tu la sens, la liberté? Donc, pour ce deuxième épisode, on a interviewé David Poulain du syndicat Les Constructifs. Ensuite, on est allé en manifestation en soutien aux soignants. Donc, on a interviewé 3 soignants. Et pour clore cet épisode, on a eu la chance d'avoir un témoignage d'une aide-soignante qui travaille en EHPAD. Et elle a pu nous raconter son quotidien. Et justement, cela permet de mettre en dynamique la réalité du travail que les soignants sont confrontés tous les jours. Et du coup, cela permet de changer la donne et du coup cette émission ou cet épisode il va durer environ 1h15, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'épisode le plus long que l'on a fait jusqu'ici. Et du coup, si vous voulez ne pas tout écouter, il faudra zapper en fonction des différentes parties de cette émission. Du coup, je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de David Poulain du syndicat Les Constructifs. Du coup, j'avais quelques questions à vous poser. C'était d'abord pourquoi créer un syndicat pour les gilets jaunes, alors qu'il y a quand même pas mal de syndicats en France? Pour deux raisons. La première, c'est que on s'aperçoit que la représentativité des syndicats a diminué, voire elle est quasiment inexistante. Et donc ça veut dire qu'il y a un vide qui s'est fait, puisqu'ils auraient dû nous accompagner lors de ce mouvement-là, c'est parce que le mouvement Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement social. Oui. Et les syndicats, je parle pas des syndiqués, je parle des syndicats, sont complètement absents, et c'est pas normal. Donc il y a un problème, il y a une défaillance profonde dans le rôle du syndicat, qui est trop à la merci du pouvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils dans nos institutions qui sont pas parfaites, mais il y a quand même des outils qui sont associations, syndicats, partis politiques, etc. Et on trouvait que le mouvement Gilets jaunes n'était pas un mouvement politique dans le sens où il n'y avait pas d'idéologie commune. Il y a des gens qui sont pour l'euro, d'autres contre. Par contre, au niveau syndical, ça nous permet d'avoir un contrepoids politique sans se présenter aux élections. C'est ça l'idée. Donc on s'est dit, on a proposé ça, et c'est un courant parmi les autres des Gilets jaunes, c'est pas le mouvement Gilets jaunes en tant que tel, le syndicat, c'est un courant. Non, voilà. J'avais bien compris. Et du coup, pourquoi l'avoir nommé Les Constructifs? Parce que le rôle d'un syndicat, à l'origine, ça doit être constructif. C'est-à-dire, on est toujours là pour faire avancer les choses, avec le pouvoir en place, à condition que ça soit pour plus de justice sociale et plus de justice fiscale, et plus de protection de l'environnement et plus de démocratie. Voilà, c'est ça l'idée. Et plus de protection, bien évidemment, du salarié. Donc si le gouvernement va dans ce sens-là, on va, et puis s'il ne va pas, on voit ce qu'on fait, mais en général, on ne va pas dans ce sens-là, quoi. D'accord, et comment vous définissez le mot apolitique? Alors pour moi, le mot apolitique, c'est de ne pas avoir d'étiquette politique. Maintenant, c'est un mot, peut-être qu'il est mal défini. Pour moi, c'est pas avoir d'étiquette politique. Aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le jeu des élections politiques avec contre ou pour, avec le RN, lutte ouvrière, la France insoumise, les Républicains. On rentre pas dans ce jeu-là. Voilà, c'est ça l'idée. Les gens pensent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. ils votent ce qu'ils veulent. S'ils pouvaient éviter de voter Macron, ça serait mieux. Mais après, ils votent pas, c'est pas notre rôle. Nous, voilà, c'est ça le mot à politique que l'on a. On n'est pas aux ordres d'un parti, on n'est pas aux ordres d'un pouvoir. D'accord. Et comment vous comptez défendre à la fois le petit patronat et les travailleurs ? Parce qu'en réalité, la vision du travail il y a 50 ans a changé. Avant, vous étiez salarié dans une entreprise, vous faisiez toute votre vie dans l'entreprise, et vous partiez à la retraite, et vous aviez le patron en face qui essayait de faire au maximum de moins vous payer possible pour s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être salarié dans une boîte, et puis du jour au lendemain, créer votre entreprise, avec ou sans salarié, un jour, quitter cette entreprise par le haut, en la revendant ou par le bas en ayant une faillite, connaître du chômage, passer un concours de fonctionnaire, retravailler dans le privé, ainsi de suite. C'est ça une carrière professionnelle aujourd'hui. Donc les petits patrons ainsi que les salariés connaissent les mêmes difficultés. Exemple pour la retraite, les petits patrons aujourd'hui ont des petites retraites et la valorisation de l'entreprise sera faible. Et on confond patron avec grand patron qui, eux, sont des salariés, la plupart. Enfin, les salariés entre guillemets. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont fait des grandes études, polytechniques, technocrates, l'ENA, tous ces trucs-là, ce sont des technocrates qui sont placés là pendant 4 ou 5 ans dans une boîte. Et leur seul truc, c'est une vision court-termiste. Ça veut dire qu'ils se disent, moi, je vais restructurer pour gagner le plus d'argent possible et avoir des dividendes, des stock-options, et après moi, le déluge. Alors qu'un petit patron, c'est quelqu'un qui crée sa boîte ou qui reprend une entreprise avec une vision à moyen long terme et qui veut la développer. Donc, moi, ça ne me dérange pas que les gens gagnent bien leur vie, mais à condition que ça ne soit pas au détriment des autres, ni au détriment de l'environnement, ni au détriment de la démocratie. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, alors que les grands patrons, aujourd'hui, il y en a qui ont une toute petite minorité qui montre l'exemple, mais il y a une très large majorité qui sont là pour s'en mettre plein les poches, qu'on n'a rien à foutre des salariés, et voilà, ils s'en branlent. Pour nous, on n'est que de la merde pour eux. Et ça, c'est plus possible. Voilà. S'enrichir en détruisant l'environnement et en appauvrissant les autres, moi, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, moi, c'est notre vision des choses. Voilà. D'accord. Et sur votre site, vous parlez de renforcer la compétitivité des entreprises. Oui. Comment vous voulez vous y prendre exactement ? Baisse des charges sociales. Parce qu'en France, c'est simple, on peut augmenter le SMIC net tout en baissant le SMIC brut. Quand on dit que le SMIC est trop haut en France, oui, le SMIC brut, et pas le SMIC net. Et la différence, c'est ce que touche la personne dans sa poche. Je m'explique. Aujourd'hui, la France, les charges sociales les plus importantes au monde. On est à 71% en moyenne de charges sociales. Moi, c'est un cours que je donne à l'université. 46% sur les charges patronales en moyenne et 24 à 25% sur les charges salariales. Pour quel résultat ? Aujourd'hui, on est dans une mondialisation où ça devient un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On n'augmente pas les salaires nets. Sauf que l'argent qui est collecté, les charges patronales, les charges salariales, il va où ? Il est gaspillé, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, on est d'accord pour baisser les charges sociales à condition que la moitié de la baisse retombe directement dans la poche du salarié. Ça peut faire des très fortes hausses de salaire. Et l'autre moitié permettre à l'entreprise de l'investir dans le développement dans la compétitivité et la productivité pour qu'on puisse garder à créer de l'emploi, etc. Parce que, bien évidemment, le monde n'est pas parfait, on en est conscient. Mais la mondialisation, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la France toute seule, elle ne peut pas l'arrêter. C'est comme au rugby. Vous avez un championnat qui s'appelle le top 14. Que vous soyez pour ou contre les règles, vous êtes dans le championnat. L'objectif, c'est de le gagner. Nous, ce qu'on veut, c'est de le gagner, mais par le haut, par la vertu. C'est pas en virant des gens, en allant produire dans des pays où on fait travailler des gosses, etc., qu'on s'en sortira par le haut. C'est en montrant qu'en gagnant mieux sa vie, en vivant mieux, en permettant aux gens d'avoir un avenir d'espoir, on reste dans la mondialisation avec des entreprises compétitives le temps que le monde change. Parce que le monde, il va changer. Un jour, l'argent va finir par disparaître. Ça, j'en suis intimement convaincu. Parce qu'il y a trois éléments, trois menaces. Un, c'est le développement durable, c'est-à-dire le réchauffement climatique qui arrive. Deux, c'est l'intelligence artificielle qui va remplacer l'être humain. Et trois, c'est aujourd'hui un monde qui est trop nombreux. On est tellement nombreux que notre système de croissance fait qu'à un moment ou à un autre, on va exploser. Mais ça va être peut-être dans 50 ans ou 100 ans. Mais on fait quoi là aujourd'hui ? Il faut trouver du travail pour les gens. Il faut que les gens puissent manger à la fin du mois. Et on pourra plus changer le monde si on est en haut de l'affiche que si on est en bas. C'est comme un élève. Quand vous êtes le premier de la classe, on vous écoute dans vos méthodes de travail. Quand vous êtes le dernier, on vous écoute pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est redevenir les premiers pour donner aux autres de l'espoir en disant, voyez, nous, on est capable d'être un pays qui pèse dans le monde, mais en respectant l'environnement, en respectant les conditions sociales, en donnant de l'espoir aux gens. Et là, on sera plus entendu pour un jour dire, y a peut-être un autre monde possible. Enfin, c'est notre philosophie. Peut-être qu'on se trompe, mais c'est notre manière de voir les choses. Du coup, j'imagine que vous êtes pour la transformation du CICE en baisse de charges sociales. Bien sûr. Et si possible pour les petites entreprises, prioriser les petites entreprises avant les grands groupes. C'est un choix. Et ensuite, on veut une loi Blanquefort. La loi Blanquefort, c'est très simple. Vous êtes une entreprise française ou étrangère, on vous donne de l'argent public, dont acte. Si demain vous licenciez du personnel, alors que c'est pas réel, c'est pas un licenciement motivé dans le sens où vous avez vraiment une faillite, ça peut arriver. Mais là, vous êtes par exemple comme Ford, vous licenciez pour des raisons structurelles, uniquement pour faire plus de bénéfices, dont acte. Par contre, vous remboursez l'intégralité des subventions publiques que vous avez perçues depuis le début. Si vous ne faites pas, vous prenez une taxe de 100% sur vos produits en France, jusqu'à ce que les 100% remboursent l'intégralité de ce que vous avez reçu. Voilà, c'est comme. Mais du coup, ça irait dans l'idée de la modulation des charges sociales en fonction de la création d'emplois. Ah ben bien sûr. Bien sûr, oui, tout à fait. Et si possible, pour les plus petits salaires. D'accord. Et la baisse des charges sociales, nous, l'idée que l'on a, on va encore plus loin. Ça serait sur de l'argent non délocalisable. Exemple, vous touchez 1100 euros par mois, demain vous baissez les charges sociales, on vous augmente votre salaire de 20% par la baisse des charges sociales. Pour le patron, ça ne coûte rien puisqu'il les paye déjà, soit à l'État, soit au salarié. Et pour le salarié, par contre, ça change beaucoup de choses parce que 200 euros de plus par mois, je veux dire, ça change énormément de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, on lui donne comme des tickets restaurants ou quelque chose comme ça, il pourra le dépenser que dans du non délocalisable ou du propre. Exemple, acheter des produits de première nécessité, acheter dans le petit commerce de proximité, si vous achetez des vêtements, il ne pourra pas le dépenser dans les grandes surfaces, mais que dans les petits commerces, etc. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'en faisant ça, 90% de l'argent qu'on va lui donner va revenir dans le cycle économique français. Alors que si on lui donne l'argent comme ça, il fait ce qu'il veut, il va l'acheter sur Internet ou ailleurs, et ça va profiter à l'Allemagne et aux Chinois. C'est ça l'idée. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de la TVA? La TVA, c'est un impôt qui rapporte beaucoup, et qui est à la fois qui est aussi injuste. Ça dépend sur quoi. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une TVA injuste. Est-ce que c'est normal, par exemple, quand vous faites de la merde chez McDo, vous payez moins de TVA que quand vous êtes dans un restaurant classique? Il faut remettre la TVA à son juste prix. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le développement durable ou des produits de qualité ou des produits de première nécessité, il faut que la TVA soit la plus basse possible ou quand ça crée de l'emploi. En revanche, tout ce qui est dégradation de la société, dégradation de la santé, de l'environnement et tout l'inverse, le McDo, tout ces junk food, la malbouffe, tous ces trucs-là qui polluent ou d'autres trucs. Là, il faut que de supprimer la TVA et tout ça, il faut peut-être jouer sur d'autres impôts pour redonner du pouvoir d'achat ou obtenir un accord de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on ne peut pas obtenir l'accord de l'Allemagne parce que l'Allemagne, elle nous tient par les coudes. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Europe? C'est très simple à comprendre. Vous avez une France qui est surendettée. Et donc, c'est l'Allemagne qui couvre la dette publique française. La France a sorti le Panama des pays de la liste noire sous la mandature de Hollande. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'aujourd'hui, une partie de la dette publique française est financée par l'argent de la drogue et de la prostitution. Voilà où on en arrive aujourd'hui. C'est ça la triste réalité. On n'a plus les moyens de se payer ce qu'on veut. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne nous couvre. Et en contrepartie, l'Allemagne exige un euro fort. Parce qu'elle, elle a besoin d'une monnaie forte pour pouvoir importer des produits de Pologne qui ne sont pas dans la zone euro, mais qui sont dans l'Union européenne, donc sans droit de douane. Et donc, on a une monnaie beaucoup trop forte, qui détruit l'économie française à petit feu. Donc on est coincé. Et l'État se dit, pour rester dans les 3% de Bruxelles, je vais tailler dans les budgets. Mais moi, comme j'ai dit à la télévision, mais attendez, il y a un autre phénomène. On peut créer de la croissance, on peut créer de l'emploi. Exemple, les banques. Est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'un chef d'entreprise qui a moins de 3 ans d'existence puisse pas emprunter? Est-ce que c'est normal qu'un CDD, un auto-entrepreneur, un intermittent du spectacle qui a moins de 3 ans d'existence, moins de 3 ans d'ancienneté, puisse pas emprunter? C'est pas normal. Qu'est-ce qu'on attend pour créer une banque publique qui prête à ces gens-là au bout d'un an et pas au bout de 3 ans? Ça ne coûterait pas un centime au contribuable et ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi dans l'épargne salariale, aujourd'hui, on ne peut pas le sortir pour acheter une voiture propre? Il y a plein de petites lois comme ça qui permettraient de créer de l'emploi et créer de la dynamique économique. Donc avant de tailler dans les dépenses, il faut aussi créer de la recette. Enfin, nous, c'est notre philosophie. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez du remboursement de la dette par l'inflation? Alors, il faut faire attention parce qu'on parle d'un sujet très sensible. Aujourd'hui, l'inflation, c'est quelque chose à ménager. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'inflation, je suis d'accord avec vous. Les bons taux d'inflation sont entre 2 et 5%. Il n'y en a pas assez. Mais le danger, aujourd'hui, c'est que si vous créez de l'inflation, il faut la contrôler. Et pour ça, il faut avoir des dépenses publiques au carré. Si vous contrôlez, aujourd'hui, c'est très simple. S'il n'y avait pas l'euro, on aurait des taux d'inflation entre 8 et 15%. Donc, on serait obligé de faire la dévalorisation monétaire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais les 2-3 années qui suivent, c'est compliqué. Après, ça relance l'emploi, etc. Mais on ne peut plus faire de dévaluation aujourd'hui, on ne peut pas. parce qu'on a l'euro, et donc fait qu'on ne peut pas dévaloriser l'euro, puisqu'étant donné qu'il y a l'Allemagne et tout ça qui ne sera pas d'accord. Donc on est obligé de faire une dévaluation sociale. Puisqu'on ne peut pas faire une dévaluation monétaire, on fait une dévaluation sociale. Donc faire pousser l'inflation, il faut faire très attention, il faut la maîtriser l'inflation. Oui, oui, et ce n'est pas la recette miracle, hein, parce que qui dit inflation, ça favorise les emprunteurs, mais ça défavorise les épargnants, et notamment ceux qui ont l'assurance vie. Donc si vous faites pousser l'inflation, vous faites pousser la dette au départ, la dette publique, vous créez la récession au départ avant de créer de la croissance. Ça, c'est pas comme ça. Hein. Moi, je pense qu'à mon avis, la solution, c'est de négocier avec l'Allemagne et d'avoir un euro entre 0, en dessous de 1 dollar, même à 0,90 dollars, pendant 5 ans. C'est ça la solution. Et au bout de 5 ans, on fait un euro entre 1,10 et 1,20. Mais ça nous permettrait justement d'avoir un ou deux points de croissance supplémentaires pour pouvoir réformer le pays de manière juste. Pas en taillant tout le temps sur les mêmes. Tout le temps à dire, ouais, monsieur, vous gagnez trop, vous avez gagné moins. Ben non, je suis au SMIC, je ne peux même pas acheter, je ne vais pas gagner moins. Non, c'est-à-dire simplifier le pays. On oublie un élément fondamental, c'est que la France est un pays trop compliqué. Je vous donne un exemple. Vous savez combien il y a de statuts de société en France ? Entre la SARL, l'ERL, il y en a plus de 40. Vous avez la SCEA, le GFA, le URL, la SAS, la SASU. Vous avez plus de 40. Aux États-Unis et en Angleterre, vous avez 5 ou 6. Ça résume la France. Trop compliqué. Pays trop compliqué, trop complexe. Donc pour regagner la compétitivité pour les entreprises, la productivité, c'est d'abord simplifier les démarches administratives entre l'État et le citoyen. Déjà, si on arrive à faire ça, ça sera un gros boulot. Ok. C'est un peu moi, j'ai une vision très économique parce que je suis un économiste. Donc, à titre personnel, donc je connais très bien le sujet, mais je pense que, moi, à mon avis, il faut proposer autre chose que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on va dans le mur. Moi, j'en suis intimement convaincu, et ça va péter. Peut-être pas cette année, mais comme j'ai dit, vous savez, il y a une crise économique qui a démarré. L'Italie rentre en récession il y a 15 jours, officiellement. L'Allemagne va rentrer en récession. La France va suivre. Ça veut dire qu'avec des gens qui s'en sortent pas à la fin du mois, c'est-à-dire plus de pression fiscale, moins de remboursement social, il n'y a pas besoin de faire politique ni pour comprendre que la situation va s'aggraver. Hein. En même temps, c'était connu qu'il y aura une récession entre 2020 et 2023. Mais bien sûr que c'était connu, je suis d'accord avec vous. Sauf que c'est pas en tirant sur les gens et en leur disant que t'es pauvre et ferme ta gueule et que tu sois content de ton sort qu'on va arranger les choses. Vous savez, une société, c'est un vivre ensemble. Qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait de l'espoir. Or, il n'y en a plus. Moi, c'est mon point de vue. Moi, j'appartiens à une génération qui vit pour vivre, qui travaille pour vivre. Mes enfants, ils vont travailler pour survivre. Ouais, je sais, je suis dans ce cas-là. Et j'ai de la chance. Moi, j'étais étudiant boursier au 5e échelon. J'ai eu la chance de bien m'en sortir. J'ai connu quelques difficultés depuis 2-3 ans. Ça va mieux parce que j'ai failli tout perdre, ma baraque et tout. C'est pour ça que j'ai vu toutes les injustices et j'avais vite oublié ma condition d'où je venais. Mon parcours est simple à comprendre. J'ai fait des études d'économie. Et après mes études, j'ai tout de suite rentré dans la banque avec des bons salaires et tout. Et j'ai créé ma boîte, je me suis mal associé, problème de santé. J'ai failli me faire saisir ma baraque. J'étais interdit bancaire et tout. Et là, pendant 2 ans, je peux vous dire, ça vous fait réfléchir. Et vous dites, tiens David, j'étais étudiant en 5e échelon au boursier, c'est au plus haut échelon. Ma mère était seule avec 3 enfants au chômage. J'avais vite oublié ma condition. Et là, je me suis aperçu des injustices. Et quand j'ai vu les gilets jaunes, je me suis retrouvé dedans. Je dis, même si ça va mieux pour moi aujourd'hui. Et je dis non, mais on peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai la chance de m'en sortir. Mais il y en a, c'est pas des feignasses, c'est qu'aujourd'hui, même quand on bosse, on s'en sort pas. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. Donc, moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, les mecs qui travaillent à bout de 10 ans d'ancienneté gagnent 1200, 1300 euros par mois. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut trouver des solutions. Il y a des solutions plus philosophiques, qui sont par exemple l'anarchisme, des choses comme ça. Il y a des solutions, moi je ne détiens pas la vérité, hein. Il y a des solutions qui existent, mais mettons en place de nouvelles recettes que celles qu'on a aujourd'hui. Puisque celles qu'on a aujourd'hui, elles vont nous amener au mieux, Marine Le Pen au pouvoir, au pire une dictature sanglante. C'est ça que ça va nous amener. C'est dire mon pessimisme. Quand je dis au mieux, c'est un euphémisme, hein. C'est une ironie, hein. On est bien d'accord. C'est ironique ce que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Et moi j'ai envie de me battre pour mon pays et me dire il y a une autre solution possible que de foutre les gens dans la misère. Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît évident, mais... Et voilà. Et je trouve pas ça normal qu'une retraite... Un mec, il a travaillé toute sa vie, gagne 600 euros par mois. Personne handicapée gagne moins que le seuil de pauvreté. Encore en France, on paierait pas d'impôts. Je me dirais après tout. Mais avec tous les impôts qu'on paye, on est le pays le plus prélevé au monde. 1 000 milliards. C'est soit 50% du prélèvement obligatoire, c'est un record mondial. Et il y a des gens qui s'en sortent pas. Et on va vous dire, il n'y a pas assez d'argent pour les personnes handicapées, les retraités. Non, mais on nous prend pour des cons. Il va où tout cet argent? Donc là, je suis pas d'accord. Soit on paye moins d'impôts, et à ce moment-là, ok, je comprendrais qu'il y a des gens qui s'en sortent pas, mais je suis pas d'accord avec ça. Soit on paye beaucoup d'impôts, mais à ce moment-là, on a une véritable solidarité. Et je suis plutôt pour ça. Comme le modèle scandinave, où il y a des impôts très élevés, mais une redistribution très élevée. Oui, parce qu'ils ont une forte compétitivité. Et c'est ça que les gens oublient. Ils sont très compétitifs et très flexibles. Par contre, moi, je pense qu'il faut mieux inventer le modèle français. Vous savez, un jour, j'ai dit à la fac, à mes élèves, vous savez, vous avez deux grands clubs qui s'appellent le Milan AC, enfin, ou la Juve, et vous avez le Barça. Les deux sont capables de gagner la Coupe d'Europe. Et pourtant, il y en a un qui joue sur la défense, le Catenaccio, et l'autre l'offensive. Vous demandez au Barça, demain, de jouer comme la Juve, ils se qualifieront même pas, ils seront relégués en deuxième division. Vous demandez à la Juve de jouer comme le Barça, ça sera pareil. Ça veut dire quoi? Moralité, c'est qu'on a chacun notre identité. Ce qu'il faut, c'est que la France invente sa propre identité sociale et économique qu'elle a perdue. Et aujourd'hui, bah voilà, il faut réinventer un nouveau modèle qui fonctionne et qui soit sur les bases de nos valeurs, la solidarité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà, tout simplement. La fraternité, ça fait partie de la devise de notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système solidaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, et c'est comme ça qu'on essaie d'œuvrer. Enfin, nous, on essaie d'œuvrer dans ce sens-là. Et après, droite ou gauche, on s'en fout. On n'a pas le droit, ok, on paye plus d'impôts, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un retour. Alors que là, on a un État qui ne sait même plus où il en est, enfin bref, tellement compliqué, qui ne sait même plus où ils en sont. Alors ils vont vous baisser 5 milliards par-ci, ils vont vous augmenter 3 milliards par-là. Ouais, super, mais c'est pas ça la solution, il faut changer le logiciel France. Moi, je suis désolé, une personne qui est en fauteuil roulant, lui donner 600, 800 ou 900 euros par mois, c'est inacceptable. Ouais, c'est mon opinion. C'est inacceptable. Et moi, je vois ma maman, elle gagne 1100 euros par mois de retraite. Elle a du mal à s'en sortir. Et elle est propriétaire. Ce que je disais à mes élèves, une fois, j'ai ma meilleure amie, enfin une très bonne amie à moi qui est coiffeuse. Elle me dit, ouais, gilet jaune, on en a marre, on casse les couilles, tout ça. J'ai dit, tu gagnes combien par mois? Ouais, je gagne 1700 euros par mois, tout ça. T'as quel âge? T'as 35 ans. Ouais. T'es locataire? Oui. Oui, bah voilà, ok. Tu payes combien? 600 euros par mois pour un T2 à Bordeaux. Ouais, c'est pas mal, c'est un bon prix. Ok, tu t'en sors bien. Ok, d'accord. On est d'accord. Tu penses que tu vas gagner combien à la retraite? Bah, je sais pas. Bon, elle fait le calcul. 1100 euros par mois? Ah non, je vais gagner plus. Non, tu vas pas gagner plus. Tu vas gagner à peu près ça. D'accord, tu seras resté debout toute ta vie comme coiffeuse. À 65 ans, 67 ans, tu seras complètement usé. Bon, admettons que tu partes à 65 ans. Bon, tu vas être usé. Ok. 1100, tu crois que tu vas t'en sortir à 1100 euros? Ah non, je m'en sortirai pas. Bah voilà, tu as tout compris. Tu comprends pourquoi je suis gilet jaune? Elle me dit, avec tous les impôts qu'on paye. Bah voilà. On ne paierait pas d'impôts, à la rigueur, je pourrais comprendre. Mais avec tous les impôts qu'on paye, c'est pas normal. Donc voilà. Il faut que la retraite soit au minimum au niveau du SMIC. Même s'il faut travailler 2 ans de plus sur certains métiers, pourquoi pas. Mais il faut que la retraite soit au minimum du SMIC. On ne peut pas laisser les gens crever de faim. Je suis désolé. Ça ne fait pas partie des valeurs de mon pays. Ni de notre histoire. Et justement, sur la question de la pénibilité au travail, au niveau des retraites, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, il y a un truc injuste. Quand on dit qu'il faut reporter la retraite à 65 ans, on dit ok. J'ai posé la question suivante. Ok, admettons comme les Anglais à 65 ans, voire à 67. Ok, d'accord, donc tac. Par contre, vous ne posez pas la bonne question. Il y a la productivité. Un Français travaille 20% de plus qu'un Anglais à l'heure. Ça veut dire qu'on va lui faire partir la retraite au même moment qu'un Anglais. Par contre, toute sa vie, il aura travaillé 20% de plus à l'heure. Mais il se fait baiser, le Français. Donc il doit gagner 20% par rapport à l'Anglais pour arriver à l'équivalent. Oui, mais on a baissé le temps de travail, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il faut gagner la productivité. Donc je dis, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc à un moment ou à un autre, la pénibilité, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, bien évidemment, des métiers de pénibilité. Et voir peut-être, plutôt que de faire partir les gens pénibilité, plutôt si on n'en a pas les moyens, peut-être faire des reclassements dans les entreprises. Est-ce qu'il est normal qu'un mec soit chauffeur de bus, par exemple, de 25 ans jusqu'à 65 ans? C'est pas possible. Mais il peut être chauffeur de bus pendant 10 ans et évoluer dans d'autres métiers où on le forme dans des métiers moins pénibles. Si vraiment on ne peut pas les faire partir plus tôt, ça serait peut-être plutôt une solution que de les faire partir à 65 ans dans un état avec une retraite de merde et dans un état pas possible. Enfin, et en plus, je leur ai dit, c'est un faux calcul, parce que les mecs, ok, partent à 65 ans, sauf que derrière, comme il a une retraite de merde, donc plus d'APL, et en plus, comme il a des problèmes de santé, plus de sécu. Donc ce que vous gagnez sur les 2-3 ans de retraite, vous les perdez dans tout le système social à côté. Donc quelque part, ça revient au même, autant qu'ils partent plus tôt. Donc si vous voulez vraiment le faire partir à 65 ans, autant lui faire évoluer sa carrière, dire bon, t'as fait 10 ans de plus, t'es usé, on va essayer de te finir ta carrière dans les bureaux, dans des métiers, pourquoi pas fonctionnaire, en priorité dans l'administratif ou des choses qui permettront à ces gens-là d'avoir des travaux, un métier moins pénible, et à ce moment-là jusqu'à 65 ans. Si l'État n'en est pas capable de le faire, bah, à ce moment-là, on le fait partir plus tôt. Ouais, c'est parce que moi, je le vois, je suis soignant en maison de retraite. Oh bah alors, j'ose même pas imaginer, ouais. Quand je vois l'état de mes collègues qui ont 55 ans, je les vois pas du tout travailler jusqu'à encore 10 ans de plus. Ouais, et puis il n'y a pas que l'état physique, il y a l'état psychologique aussi. Et les gens l'oublient. Parce que les gens, parfois, ont l'air en pleine santé, physiquement, mais dans leur tête, ils sont détruits ou c'est dur parce que des métiers très pénibles, comme le vôtre, un métier d'empathie qui fatigue psychologiquement. Et il faut des passerelles. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler 10 ans de plus et vous êtes dans quel état? Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut réfléchir quand les politiques disent oui, 65 ans pour... Là, à mon avis, où il y a un axe à travailler, moi je serais le président, c'est ce que j'aurais fait, c'est plutôt l'égalité des départs à la retraite pour tout le monde, entre le privé et le public. Et à ce moment-là, plutôt que de prendre une décision, j'aurais fait faire un référendum auprès des Français. J'aurais dit, voilà, le système, il va être le même pour tous. Mais à ce moment-là, on garde la retraite à 60 ans ou à 61 ans. Et par contre, on aligne les régimes de retraite. Et là, vous êtes sûr que tous les syndicats sont dans la rue. Je fais un référendum. Et les Français trancheront. Ils disent oui, on le fait. Ils disent non, on le fait pas. Et je pense que c'est la seule solution pour sortir de cette crise en France. C'est de passer par les référendums. Ce qu'on appelle le RIC, parce que ça vient du bas. Ou référendum, ce qui vient du haut. Peu importe. Ça veut dire que les Français doivent trancher sur toutes les grandes décisions. Je pense que ça ramènerait tout le monde un peu au calme et ça éviterait les grèves et les manifestations parce qu'à partir du moment où les Français ont dit oui ou ont dit non, bah, tu peux pas aller contre parce que là, t'es plus démocratique. Avec le vote obligatoire, bien évidemment. Comme ça, t'es sûr que tout le monde vote. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, avec plaisir. Bah, ça fait déjà 30 minutes, c'est déjà pas mal. Ouais, avec plaisir. Oh, je suis bavard. Comme tout gilet jaune. C'est donc... À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses, écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette floque et de Constance sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventre en Grèce, le suffrage universel, vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est un pègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouges, bleus ou blancs. Il vaudrait mieux les pendre que de leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain. Et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri. Cette Floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer. Pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. La question, c'est est-ce qu'on ne veut plus de gouvernement? C'est sûr que dans un système capitaliste, le gouvernement défend les intérêts de la classe dominante, à savoir les intérêts de la classe bourgeoise. Et qu'est-ce que vient de nous définir David dans cet entretien d'une bonne vingtaine de minutes? Bah finalement, il reprend un peu toute la stratégie d'Emmanuel Macron visant à défendre le capital contre le travail. Alors, on pourra nous dire que la baisse des charges sociales, qu'on doit appeler des cotisations sociales, puisque c'est la richesse créée par le travailleur, sont une politique en faveur du travail. Sauf que lorsqu'on baisse les cotisations sociales, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sabote d'une part la sécurité sociale et d'autre part l'assurance chômage. Autrement dit, il s'agit d'une méthode pour saboter les acquis du CNR. Et ces acquis, ils ont été faits d'une longue lutte et surtout, il s'agit d'un consensus entre les gaullistes et les communistes. Alors, David, il peut nous prétendre de lutter contre Emmanuel Macron et que, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, un, une baisse des taxes, deux, une baisse des cotisations sociales, trois, une simplification administrative. Donc, on ne peut pas dire que ce syndicat défend vraiment les intérêts des travailleurs. Il défend plutôt les intérêts du patronat. Et il est vrai qu'on n'a pas voulu juger tout de suite parce qu'on voulait tout de même comprendre la logique qui allait dans le sens du syndicat Les Constructifs. Et pourtant, on les entend chanter cette chanson. Alors, le gouvernement, lui, il a deux projets comme réforme structurelle pour faire des baisses, pour faire des économies, afin de répondre aux prérogatives de la Commission européenne et du FMI. Et qu'est-ce que disent ces derniers ? Ces derniers disent de baisser la dépense publique parce que dans la logique néolibérale, la dépense publique, c'est-à-dire le budget de l'État, empêche la consommation et la croissance. En fait, il s'agit surtout d'une méconnaissance macroéconomique. En effet, qu'est-ce qu'on apprend en licence ? On apprend qu'il existe un multiplicateur budgétaire. Alors, moi, je l'ai calculé en prenant en compte des fonctions de transfert. Il est de 2,55. Et je peux me tromper parce que je ne suis pas un économiste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 milliards d'injectés dans l'économie, il se crée 255 milliards en termes de PIB. Et que finalement, si on baisse la dépense publique à travers le multiplicateur budgétaire, on baisse le PIB. C'est une logique simplissime qu'il faut comprendre. Et pourquoi ils veulent absolument baisser la dépense publique? Ah bah là, c'est une fois de plus pour faire des cadeaux au patronat. Parce que les services publics qui seront supprimés ou privatisés, bah, c'est les entreprises qui en seront les grands gagnants. Et sur les différentes ouvertures à la concurrence, qu'est-ce qu'ils nous disent? l'une des argumentations est que cela fait baisser les prix. Alors, il y a un exemple d'ouverture à la concurrence qui a fait baisser les prix, c'est la téléphonie. C'est un cas isolé, et donc, en termes de raisonnement empirique, un cas isolé n'est pas une preuve. Parce que toutes les autres ouvertures à la concurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben c'est simple, que ça soit le gaz, l'électricité, que ça soit les péages, et là il y a des monopoles privés. Bref, passons. Et qu'est-ce qui va se passer aussi pour la SNCF quand elle sera mise en concurrence avec d'autres entreprises ? Bah, on l'a vu en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. C'est simple, les prix ont augmenté. Et les prix, quand ils augmentent, finalement, ça pénalise le pouvoir d'achat. Alors, les gilets jaunes, ils se sont quand même battus pour le pouvoir d'achat. Et là, on leur dit que le pouvoir d'achat, il va être impacté parce qu'on ouvre la concurrence à des entreprises pour qu'elles fassent plus de profits et que ce serait dans l'intérêt général parce que l'intérêt des futurs actionnaires, finalement, c'est l'intérêt général. Alors que non, on se trompe. Et que, aussi, sur la réforme des retraites, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous dit qu'on aura un socle égalitaire pour tout le monde. Là, encore une fois, il s'agit de remettre en cause le CNR. Et que du coup, cela implique la chose suivante. Il y aura des inégalités dans le barème pour la retraite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de retraite, ils sont pas nés, ils sont le fruit d'une longue histoire. Et souvent, on considère que les systèmes de retraite particuliers, comme le système des retraites des cheminots, est un avantage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des systèmes de retraite autonomes. Ensuite, sur la question du décalage du départ à la retraite, on nous demande de partir à 65 ans, alors que la retraite pleine est de 67 ans. Qu'est-ce que cela signifie ? Allons jusqu'au bout du raisonnement, n'ayons pas peur. Cela signifie qu'il va falloir travailler pour avoir une retraite pleine jusqu'à 70 ans. Et les professions qui ont un compte, qui sont pénibles, comme les aides-soignants dans les maisons de retraite, bah qu'est-ce qui va se passer ? Ces gens-là, ils vont avoir une espérance de vie qui va baisser. Alors on nous dit qu'il y a un compte de prévention de l'activité ou quelque chose comme ça, qui permettrait de cumuler des points pour partir plus tôt ou de convertir des points pour trouver une formation pour se reconvertir. Mais la reconversion ne change pas le problème parce qu'il va falloir travailler plus longtemps pour gagner moins. Parce que le système de retraite qu'on veut nous imposer, c'était un système de retraite par points. Et le point, qui c'est qui le décide ? C'est le gouvernement. Et qui va baisser le point ? C'est le gouvernement. Qui va baisser les retraites ? C'est le gouvernement. Alors, on revient à la chanson qu'on a chantée. Oui, il ne faut plus de gouvernement sur ces sujets-là. Parce que, finalement, on se fait entuber. Sur la réforme de l'assurance chômage, encore une fois, il s'agit de faire des économies et que finalement les travailleurs y cotisent, mais on va durcir encore plus leurs droits parce que finalement les cotisations, bah, ça sert à rien. Et qu'est-ce que cela dit? Bah, cela dit une chose. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On est en train de dire aux travailleurs que leurs cotisations sociales, elles servent à rien. Et que si les cotisations sociales, elles servent à rien, ah bah, on va pouvoir supprimer les cotisations sociales. On va pouvoir supprimer à long terme l'assurance chômage. On va pouvoir faire travailler, on va pouvoir ne plus indemniser les travailleurs. Alors là, pour le moment, l'objectif, c'est de passer de 4 mois sur 2 ans à 6 mois. Avec un jour travaillé, c'est un jour qui va être payé au terme de l'assurance chômage. Mais l'idée, mais il faut quand même dire que l'idée finale, c'est tout de même de la supprimer. Parce que y a bien qui se frotte les mains derrière l'assurance chômage? C'est les compagnies privées. Eh oui, les compagnies privées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont prendre le rôle de l'assurance chômage. Et que ce sont elles qui vont vous verser les fameuses cotisations. Et du coup, on va supprimer les cotisations. Et ce monde est merveilleux parce que finalement, et les sommes que vous allez verser vers l'assurance privée, bah ça va vous coûter plus cher. Donc vous allez perdre du pouvoir d'achat. Il est beau le monde néolibéral. Bon. Malgré tout cela, on reste positif et on va essayer d'écouter Radio Noir du boss. Eh ouais. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en France ? N'ayons pas peur de le dire. Il y a une révolte qui gronde. C'est que les travailleurs sont en colère. Et qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux ? Il se passe que les plans d'austérité d'Agnès Buzyne commencent à faire leurs effets. Les urgences sont débordées. Les soignants sont débordés. Les soignants sont mal payés. Les soignants n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'ils font, les soignants ? Ils se mettent en grève. Et ils sont réquisitionnés, même par la Stasi politique. Et là, qu'est-ce que fait la Stasi politique ? Elle réquisitionne les grévistes pour les obliger à travailler. Alors, les travailleurs du médical et du paramédical, ils manifestent à Paris. Et donc, nous sommes allés les interviewer. Donc, nous avons pu interviewer 3 personnes. Et ces 3 personnes, nous les remercions du fond du cœur. Parce qu'en tant qu'aide-soignant, ce sont des collègues. Et du coup, je vous laisse écouter les interviews. Toutefois, dans le cadre d'une manifestation, le son n'est pas forcément de bonne qualité. Normalement, ça enregistre. Alors, vous vous appelez comment ? Je dis mon nom de famille. Comment ? Je suis obligée de dire mon nom de famille ? Non, juste le prénom. Ok. Je m'appelle Céline. Je suis infirmière. Vous êtes infirmière dans quel service ? Je suis infirmière aux urgences. Aux urgences ? Ouais. Et comment ça se passe aux urgences ? Bah, aux urgences, c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, il y a de moins en moins de personnel et du coup, c'est souvent le bazar. Et qu'est-ce que vous appelez par le bazar ? Le bazar, mais c'est-à-dire qu'on n'a plus de temps pour les patients parce qu'on n'est plus assez nombreux, on ne peut plus bien les prendre en charge et du coup, ils attendent énormément de temps et ça devient dangereux pour la santé des patients. C'est que la charge de travail augmente et que les effectifs diminuent. C'est ça, c'est les effectifs qui diminuent, le manque de lits, donc les gens stagnent aux urgences et les effectifs n'augmentent pas en conséquence et du coup on se retrouve en difficulté tous les jours. Et vous en pensez quoi de la maltraitance institutionnelle ? Bah, elle est effective depuis quelques années déjà et nous on souffre et on n'est pas entendu et alors qu'on travaille dans l'hôpital, du coup ben. Bah, là, voilà, c'est compliqué pour nous et ça a du retentissement sur les patients. Et vous gérez combien de personnes ? Bah, ça dépend. On est à peu près 180 passages par jour. Du coup, on gère beaucoup, beaucoup de monde. Dans une journée de 8 heures, on peut voir jusqu'à 60 patients. Voilà. Dans notre service, on est en tout, on est 7 infirmières. On doit être 10 aides-soignantes à peu près. Voilà. C'est peu. C'est peu, c'est pas assez. Au niveau des internes et des médecins, bah c'est pareil, c'est le même problème. Ils ne sont pas non plus assez nombreux. Les internes sont en formation, donc on ne peut pas tout leur demander non plus. Ils ne peuvent pas avoir toutes les responsabilités et souvent les chefs n'ont pas forcément le temps de les coacher comme ils devraient et ça devient compliqué. Et vous estimez que dans votre service d'urgence, le temps d'attente, c'est estimé à combien en tout cas ? Nous, ça va à peu près encore. Nous, c'est en moyenne 5 à 6 heures, mais je crois qu'on est dans les bons scores. 5 à 6 heures. Et comment ça se fait l'infirmière d'accueil aux urgences ? Comment ça se passe ? Bah, l'infirmière d'accueil, elle accueille les gens et après elle les fait attendre quand elle ne peut pas les installer. Et du coup, après, ces gens-là qu'elle a vus sont sous sa responsabilité et elle ne peut pas avoir l'œil dessus. Donc, ils sont sous sa responsabilité, mais elle ne peut pas s'en occuper. Donc, c'est une pression de tous les jours, de tous les instants. Et qu'est-ce que vous pensez du glissement de tâches ? Du glissement de tâches, pas grand chose. Ouais, ce montage, on est bien obligé d'y parvenir, parce que comme on n'a pas assez de moyens, mais après c'est dangereux, quoi. Voilà. Okay, voilà. Ben, merci. Ben, de rien. Pierre Schwab, infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujouet, de nuit. Ok. Et comment ça se passe aux urgences? Écoutez, depuis quelques années, ça fait 8 ans que je travaille aux urgences. J'ai vu la situation se dégrader de plus en plus. On a atteint un niveau... On ne peut plus accueillir les gens dans de bonnes conditions aujourd'hui aux urgences en France. On ne peut plus faire notre travail dans de bonnes conditions. Le plan santé 2022, c'est bien joli, mais là, nous, on n'a pas le temps d'attendre. Il nous faut une réponse maintenant. C'est pour ça qu'on est tous là, réunis dans cette manifestation à Paris, de toutes les urgences de France, pour dire à la ministre, Madame Buzyn, que là, ça suffit. Il faut donner des moyens aux gens de soigner convenablement. Et il faut donner aussi les moyens aux patients d'être soignés. Et combien vous gérez de personnes aux urgences en moyenne? Alors, nous, on n'est pas des très grosses urgences de la PHP, on est autour de 33 000 patients. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en l'espace de 3 ans, on a une augmentation de 17% rien que sur notre hôpital, de fréquentation des patients. Cette augmentation de 17%, à côté en termes de personnel soignant, et même paramédical et médical compris, il n'y a eu aucune augmentation, voire même des diminutions de postes. On ne peut plus réaliser on ne peut plus travailler dans des conditions pareilles. C'est plus possible. C'est plus possible du tout. Sans mettre en danger l'intégrité physique des patients, c'est plus possible. Dans de bonnes conditions, ce n'est plus possible. On fait notre travail avec les conditions qu'on peut. Mais très clairement, il y a des situations qui sont immorales. Je veux dire, quand on a des grands-mères qui restent 48 heures sur un brancard avec une fracture de la hanche, en attente d'une place au bloc, on ne peut pas. On le fait, mais on ne peut pas. C'est pas moral. Le soir, après, on rentre, on n'est pas bien. On est en train de dire que finalement, les hôpitaux deviennent les EHPAD privés. Pas seulement ça, c'est-à-dire c'est que l'hôpital public est en train d'être privatisé lui-même. On essaye de détruire, c'est la case du service public, on essaye de détruire le service public hospitalier pour le mettre dans le privé. C'est regrettable, c'est malheureux, parce qu'à côté de ça, il y a toute une partie de la population qui ne peut pas répondre à des soins privés, et voilà, l'hôpital public ne peut plus leur offrir une offre de soins convenable. D'accord, très bien, je vous remercie. Marielle. Et vous êtes patient solidaire du monde hospitalier. Voilà. Du service public en général et aujourd'hui du monde hospitalier que je sais qu'on assasse. Et expliquez-moi pourquoi vous soutenez en particulier les soignants et j'imagine aussi les soignants des EHPAD. J'imagine quoi? J'ai pas entendu. J'imagine aussi les soignants dans les EHPAD. Ah oui, bien sûr. Ah ben parce que je me rends compte qu'on est en train d'essayer de saboter complètement l'hôpital, et en particulier les urgences. Et le but étant, dans les années qui viennent, que cette partie du service public soit tellement pénible à vivre pour les patients que dès qu'ils ont un peu de sous, ils iront dans le privé. Et c'est le même processus qui a lieu à l'école. Et donc... un des rares secteurs où il y a encore des trucs à acheter pour le business, c'est la santé, l'éducation et un peu les transports. Donc, il faut démolir, montrer que c'est nul, et les gens diront, bah oui, privatisons parce que c'est tellement nul. Donc, c'est un processus à l'œuvre depuis 35 ans. Et là, qui s'accélère avec Macron en tête, puisqu'il faut aller vite. Et on appelle ça réforme. Donc il y a une espèce de nous-truande sur le vocabulaire et sur la politique. C'est parce qu'au niveau des réformes, on est quand même dans un langage vachement positiviste. Oui, qui se veut positif. C'est toujours pour faire mieux. Ceci, pour cela, mais nous n'avons, en tant qu'entreprise, effectivement, le vocabulaire, il est passé à l'eau de Javel, quoi. Il est nettoyé, il est comme si c'était bien faire. Et en fait, ça camoufle une politique et une économie qui marchent de pair et qui est pour un élargissement maximal de l'univers du privé. Donc donc la privatisation de tout ce qui reste à privatiser à travers le monde. Aujourd'hui, par exemple, je connais un peu mieux le sujet d'école. Si vous regardiez sur Paris, depuis 4-5 ans, la création d'écoles privées hors contrat, je dis bien, à des maternelles à 500 à 800 euros le mois, avec hors contrat, donc pas contrôlé par l'éducation nationale. Il y a encore ce centre qui s'appelle École démocratique, ça vient directement des US. En fait, vous y avez, qu'est-ce que vous avez là-dedans comme clientèle? Vous avez des jeunes cadres qui ont du fric, les 35-40 ans qui vivent à Paris, ils ont du fric, et ils n'ont aucune conscience historique ni politique, et donc ils vont mettre leur enfant dans ces structures où on fait effectivement de la pédagogie intéressante, parce que c'est de la pédagogie active. Mais ça signifie que partout, les éléments des classes sociales supérieures vident les bancs de l'école publique et que l'école publique devient une école pour les moins chanceux, voire les pauvres. Et l'hôpital, c'est pareil. Les gens qui ont du fric, ils vont aller à l'hôpital américain, et l'hôpital français de la PHP va crever. C'est, vous sentez une logique à l'œuvre, là, imparable. Voilà. Et vous en pensez quoi des formations au sein de la PHP, au niveau des subsides et des IFAS? Ah, mais ça, je ne connais pas. La formation, vous dites? Ouais, pour les formations d'aide-soignants. Je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est parce que pour information, les prix, ils ont été multipliés par 10, voire par 15. C'est des formations en école privée, ça, là. Non. C'est des formations au sein de la PHP. Bah, par exemple, une formation pour être étudiant, pour être infirmier, bah, maintenant, ça coûte 20 000 euros. Alors que c'est une formation privée. Alors, moi, je n'avais pas entendu ça. J'avais entendu, j'ai un fils, une copine qui fait ses études d'infirmier, qu'il avait accès à ses études d'infirmier dans des conditions assez pas chères du tout. Et que si par hasard il arrêtait, il reprenait, là il payait. Voilà. Et je ne connais pas, donc je ne peux pas m'en prendre. Et vous en pensez quoi des réquisitions des personnels des soignants de... Ah mais c'est horrible. Oui, les gendarmes qui sont venus chercher les infirmières de nuit. Je trouve que... Ça évoque bien que le pouvoir est poussé à bout. Et donc il faut le pousser encore plus à bout. Il n'y a que ça. Il n'y a plus qu'à... Je ne sais pas qu'il faut faire en jouer la rue. C'est parce que dans le même temps, les personnes qui se sont mises en arrêt maladie subissent des contrôles. Il y a tous les trucs pour les décourager, pour leur faire peur. C'est parce qu'on est quand même face à une répression maintenant, également dans le monde médical, paramédical. La répression, là, on l'a bien vu cet hiver, elle est passée à l'école supérieure. Il s'agit de faire peur. Voilà. Donc, nous, on n'a pas peur. Pas essayer. Oh, on n'est pas plus nombreux, mais enfin, on va essayer. Au revoir. Et donc, on vient de s'écouter l'instrumental de Boney M, My Baker. Et pour poursuivre la lutte des soignants, il ne faut pas oublier que les collègues des hôpitaux, c'est quand même les soignants des EHPAD. Et les soignants des EHPAD, eux aussi, sont en colère. Et je le sais très bien, parce que moi, je suis un aide-soignant en EHPAD, et je connais la catastrophe. Alors, comme je gère le compte Balance ton EHPAD, qui s'inspire de Balance ton hosto et de Balance ton porc, j'ai pu interviewer une camarade, une collègue, et que cette collègue, j'ai pu m'entretenir une demi-heure avec elle, et j'ai choisi les extraits les plus pertinents pour vous les diffuser. Allez, bonne écoute. Et est-ce qu'au niveau des soins, ça s'aggrave de plus en plus ou pas ? Ouais, ben nous on a une cadre qui nous a dit de faire l'essentiel, quoi, le visage et puis les fesses, quoi. Ah oui, de façon texto. Ouais. Mais pas quand vous êtes en sous-effectif. C'est de façon normale. Voilà. Mais là, moi, j'ai l'impression, en fait, par rapport à mes années d'expérience, bon, déjà, oui, les conditions de travail se dégradent, mais le personnel soignant est beaucoup moins qualifié aussi, quoi. Enfin, moi, là où je suis, on prend tout et n'importe quoi. C'est une façon de parler un peu méchante. Mais on a vraiment des filles qui ne sont pas là, enfin, qui viennent pour la paye, quoi. Mais on a eu beaucoup de décès par occlusion, par exemple. Ah bon ? Ouais. Et comment c'est possible ? Alors, nous, on signale, parce qu'on connaît quand même nos gens, quoi. Enfin, on sait, on les connaît, il y a des choses où on sait. Et moi, je me suis agacée il y a 3 ans, mais après, j'étais en arrêt maladie, ce que j'ai pas supporté. On avait une dame qui était pas bien, qui vomissait des selles quand même. Et on a dit, mais il faut faire quelque chose quand même. On a un service d'urgence à côté, en plus, nous, on a quand même... À la limite, c'est une malchance parce que ça joue contre nous, parce qu'on ne peut pas les transférer comme ça, quoi. Alors qu'ils seraient dans une EHPAD de ville, on faisait le 15 et hop, ils sont pris en charge tout de suite, quoi. Alors que nous, ils ont beaucoup de mal à les prendre, les résidents. Et en fait, l'infirmière qui nous disait, non mais il faut lui donner à manger, on ne peut pas lui donner à manger. On ne peut pas. Il n'y a plus rien qui passe, ça ressort. Et du coup, moi, j'ai pété un câble un soir et j'ai dit à ma catch, mais il faut appeler les pompiers, il faut faire quelque chose, elle va mourir, cette dame. Elle me fait, ben, le médecin, il doit passer dans 2 jours. Je lui dis, mais dans 2 jours, elle sera morte. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si le médecin, il passe pas, on peut rien faire. Hein. C'est donc là, on la laisse mourir. Donc, elle a été transférée le lendemain et elle est décédée 2 jours après. Enfin, nous, on a peur qu'aux remplaçantes qui viennent l'été ou quelque chose, le jour où il y a un couac, parce que les filles, elles sont pas formées du tout, hein. Moi, il y a quatre ans, ma cousine, elle est venue travailler. C'est notre cadre qui venait nous voir désespérément, en disant, vous n'avez pas quelqu'un au chômage qui pourrait venir? Parce que là, on n'a personne, quoi. Ma cousine, à la base, elle est électricienne, quoi. Et au niveau de l'été, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un service entièrement climatisé ou Ah, pas du tout. Vous avez que des pièces climatisées? On a une clim portative. Une clim portative, et il fait combien dans les chambres en période de canicule ? Alors, moi j'étais de nuit l'année dernière, je relevais les températures à 26-27 de nuit dans les chambres, de nuit, hein. D'accord. En laissant les fenêtres ouvertes la nuit, et on était en Normandie, quoi. C'est parce que nous en période de canicule, on est entre 35, 36, 37 dans les chambres, en journée. Ouais, moi en journée j'ai pas pu prendre, j'étais nuit là, donc mais rien que la nuit déjà, nous on suffoquait, quoi, et la journée ça doit être horrible, quoi. Et est-ce que les résidents ils sont bien hydratés ou c'est fait totalement à l'arrache? C'est fait à l'arrache. En fait, pour être bien pris en charge, il faut avoir de la famille derrière. Si ceux qui n'ont pas de famille, moi je dis souvent ils crèvent comme des chiens, quoi, en fait. On les laisse et voilà, quoi. Par contre, ceux qui ont de la famille derrière, alors là, il faut tout faire. On a une dame dans un service, c'était pas dans le mien, mais les filles ont eu 2 fins de vie. Une dame avec beaucoup de famille, très entourée, la famille était là H24, qui ne souffrait pas en soi, c'était vraiment une fin de vie naturelle, on va dire. Elle ne souffrait pas, voilà, elle s'éteignait tout doucement, mais sans souffrir. Alors elle, elle avait de la morphine par contre, même si elle souffrait pas. À côté de ça, trois chambres plus loin, on avait une dame qui n'avait pas de famille. Il lui restait un quart de poumon. Un quart de poumon. Ouais. Donc en fait, elle est morte étouffée et elle n'a rien eu. Elle n'avait pas de famille. Elle a souffert le temps de mourir, cette femme. Deux chambres plus loin, quoi, alors que celle qui avait de la morphine, c'était pas justifié, à la limite. Mais elle avait de la famille, alors il fallait faire ça bien, quoi. Et donc, nous, on dit souvent, quoi, il y a deux poids, deux mesures, quoi, dans la prise en charge. Ceux qui n'ont pas de famille, et ben voilà, quoi, ils vont pas à l'animation, ils font rien. Pour peu qu'ils présentent pas bien, alors c'est une catastrophe, ils restent. Exemple, dimanche après-midi, dans ma ville, il y a un carnaval. Donc, souvent, on descend des résidents. Donc, avant... Il y a quelques années, on pouvait descendre tous nos résidents à l'entrée de l'hôpital et regarder le carnaval passer. C'était sympa, quoi. On était trois l'après-midi à l'époque et on était quatre ou cinq le matin. Donc, ça se faisait bien, quoi. On s'organisait bien pour ça. Maintenant, on a une liste de résidents à descendre. Et c'est les plus autonomes qui descendent, quoi. Les autres, ils restent en chambre et voilà, quoi. Les autres ne font rien, quoi, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas autonomes ne sont pas du tout stimulés. Ah non, ils restent en chambre. Non, non, ils ne font rien. Ils attendent la mort. Moi, c'est ce que je dis, ils attendent la mort, en fait. Regardez le mur de leur chambre ou la fenêtre, éventuellement, quand on les met devant la fenêtre, mais bon. Moi, franchement, j'appréhende pour l'avenir, pour les résidents, quoi. Moi, je dirais que, bon, maintenant, moi, j'encaisse, quoi, je vais dire. J'ai appris à prendre sur moi. Mais et je me dis, ouais, avec les contrats qu'ils prennent maintenant pour remplacer, je sais pas où on va, quoi. Moi, je vois, on a des matelas alternatifs, je sais pas si vous en avez, vous. Des quoi? Des matelas alternatifs, des matelas qui se gonflent et qui se dégonflent tout seuls. Non. Non. au niveau des matelas gonflables, on a que des matelas anti-escar. D'accord, ben nous c'est des matelas anti-escar qui sont électriques et qui gonflent, qui dégonflent, enfin bref. Et en fait, c'est des matelas qu'on ne borde pas, qu'on ne met pas d'alaise. Oui, oui, bah on en a ce genre de matelas. Et donc voilà, moi je suis le protocole, hein, je borde pas. Et l'autre fois, il y a une fille qui me fait non, mais tu mets pas d'alaise. Je fais, ben, je mets juste le temps de mon change et après, non, je l'enlève l'alaise. Je vois pas l'intérêt, quoi. De toute façon, en plus, c'est pas conseillé. Ah ouais, mais tu te rends compte, après, nous on a des draps à changer. Bah ouais, mais c'est le travail. C'est une fille qui venait d'arriver, qui était remplaçante, qui à la fin de la journée, à force de me prendre des réflexions, oui, mais tu te rends compte, nous, ça nous fait faire ça. Je fais, écoute, moi, j'ai fait l'école d'aide-soignante il y a 25 ans. Maintenant, passe ton concours, regarde ce que tu apprends à l'école et on en reparle après. Je fais, parce que franchement, moi, changer des draps, ça ne me gêne pas. Je fais, par contre, mettre une alaise sur un drap souillé pour cacher la misère, moi, ça me gêne. Donc je lui ai dit, je lui ai fait, viens pas m'apprendre mon métier. Je le fais pas parfaitement parce qu'il n'y a personne qui est parfait. J'apprends encore des choses au bout de 25 ans. Mais il y a des choses où non, je suis désolée, quoi. Moi, je suis désolée, chez toi, ton drap, il est sale, tu changes, quoi. Tu mets pas une alaise pour cacher, quoi. Alors bon. Ça aussi, on le voit là au travail. C'est quand le drap est souillé, il y a souvent une alaise dessus. Pour cacher la misère. C'est ça. Et après, on se permet de dire, oh, bah, la fille de nuit, elle aurait pu changer ses draps. L'autre fois, je leur ai dit, je suis arrêté de dire, c'est les filles de nuit, quoi. Chez moi, je fais pas mal d'après-midi. Je peux vous dire que des fois, l'après-midi, j'en change les draps, alors que je suis pas censée le faire. Donc, les filles de nuit, elles font leur taf. Hein. Moi, j'ai travaillé nuit et je sais qu'elles font pas mal de tournées la nuit. Hein. Donc, chez nous, on les change une fois par jour, une fois le matin quand on commence, qu'on fait les toilettes, et une fois l'équipe de l'après-midi, quoi. À la limite, en gros, c'est ça. Je fais l'équipe de nuit, elle les change 3-4 fois dans la nuit, quand même. Donc, il y a un moment, faut... Mais il n'y a pas d'esprit d'équipe, quoi. Il n'y a plus... Enfin, l'esprit d'équipe qu'il y avait avant, moi, je ne la retrouve pas, en tout cas. C'est vraiment chacun pour soi, et... Et je pense que le fait d'être en secteur fermé, ça change, quand même. Parce que là où je le vois, au travail, notre équipe, elle est beaucoup plus soudée que les autres étages. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi parce qu'on vit en vase clos. Parce que moi, je vois là, j'ai redemandé à retourner justement dans le service Alzheimer, qui n'est pas officiel, mais bon, on sait toutes que c'est le service Alzheimer, quoi. Et la cadre, elle m'a dit, mais vous êtes la seule qui voulait y aller J'ai fait oui, mais elle me fait c'est dur par contre là-bas. Je sais que c'est dur. Je fais mais par contre il y a une très grande solidarité auprès de l'équipe quoi. Et ça c'est important quoi. Je pense qu'on encaisse mieux quand on s'entend bien avec les filles. Et moi les filles quand je leur ai dit j'ai demandé à revenir, elles m'ont dit oh là tu vas revenir avec nous Kinder. Je fais bah écoutez j'ai demandé on verra. Donc parce que voilà il y a on prenait le temps aussi de plaisanter avec les résidents. C'était pas non plus que des gens déments. Ils ont des choses à nous apprendre aussi, quoi. Enfin, il y a des choses qui se passent avec eux. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande solidarité au sein de cette équipe-là, quoi. Les filles sont très soudées, quoi. Ce que vous appelez les pauvres, je suis désolé de vous le dire, c'est des gens qui gagnent un peu moins d'argent. Mais comme ils gagnent moins d'argent, ils ont les mêmes logements que les autres, sauf que eux les payent moins cher. Et ils vivent très bien. Nous n'avons pas de misère en France. Il n'y a pas de ce que vous appelez les pauvres. Bien sûr, il y a quelques sans domicile fixe qui, eux, ont choisi de vivre en marge de la société. Et même cela, croyez-moi, on s'en occupe, il y a des foyers d'accueil, parce que en hiver, en France aussi, il fait froid. Nous leur donnons des asiles, on leur donne à manger, on les lave, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Pauvreté ne recule plus. Le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 788 euros par mois, elles sont près de 7 millions en France. Un SDF handicapé a été condamné à 2 mois de prison ferme. Depuis des années, il prenait les transports en commun à Lyon sans payer. Par-dessus tout, nos aveugles déplorent, c'est pas d'être hors d'état de se rincer l'œil creux, non, mais de ne plus pouvoir lorgner le drapeau tricolore. La ligne bleue des Vosges sera toujours notre horizon. Et les muets chez nous, ce qu'il est même mal à l'aise, c'est pas d'être